En Corée, les jeunes avant-garde ont tenu le 23 sur la place du Palais du Soleil de Gongsusan un rassemblement pour s'engager tous à l'application de la décision du 7e congrès du Parti du Travail de Corée. Y ont pris part Choi Ryong-hae, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, les permanents de l'Union de la Jeunesse, les jeunes travailleurs et étudiants. Les participants ont rendu l'hommage le plus sublime aux grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il devant leur portrait en sourire. Le président du comité central de l'Union de la Jeunesse, Chun Yong-nam, a lu l'appel du 7e congrès du Parti du Travail de Corée adressé à tous les militaires, jeunes et civils du pays, en avant tous pour la victoire complète du socialisme grâce à la création de la vitesse de Malima. Les orateurs ont souligné de manifester énergiquement l'esprit et le courage des jeunes avant-garde de Sungun dans l'actuelle marche générale solennelle pour ouvrir l'apogée de la puissance de la jeunesse afin de célébrer dignement la prochaine 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung. On y a adopté une résolution.